Caouette, Thériault et Associés, concessionnaires des greffes de Marcel Leblanc, André Gendron et Daniel Fortin, profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bel été. Que ce soit pour vos besoins en arpentage, cadastre, certificat de localisation ou autre, communiquez avec Caouette, Thériault et Associés au 418-276-2478. Caouette, Thériault et Associés, 1660 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Caouette souhaite la meilleure des chances à l'organisation de la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix qui se tiendra en fin de semaine à la Chute à l'Ours de Normandin. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 11 au 13 août 2017 aura lieu la 16e classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche au site touristique de la Chute à l'Ours à Normandin. En mon nom et celui de mon conseil de ville, j'invite toute la population et les gens de la région à venir en grand nombre encourager nos joueurs de volleyball dans une compétition des plus relevées. Félicitations aux organisateurs et aux joueurs pour ce grand événement sportif qui aura lieu à Normandin. Pendant la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Max Wellhouse à $5,99, le melon d'eau à $3,99, le beurre de marque Compliment à $3,33. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste avec notre ami François-Olivier Roberge. Je sais qu'hier, on a parlé avec Marianne Saint-Gelin. C'est une année importante pour le Canada aux Olympiques, évidemment, en ayant une année olympique. Et on va parler avec François. Salut François! Salut! Hey François, avant de commencer, d'abord, t'as passé un bel été? Oui, super. J'ai eu mon deuxième enfant, une petite fille, à mi-juin. Fait que je viens de revenir au boulot. J'ai eu un été de nouveau papa. Là, ça va super bien. OK. Hey François, avant de commencer, je vais en parler plus la semaine prochaine avec moi, parce que j'ai un chroniqueur de jeux vidéo avec moi. Je veux t'entendre sur semble-t-il, c'est une rumeur, mais semble-t-il qu'on parle des Olympiques, qu'aux Olympiques de Paris en 2024, les jeux vidéo seraient admis. Il y aurait des compétitions de jeux vidéo. Je sais que le e-sport, je ne sais pas si tu as entendu parler, là, c'est extrêmement populaire. On dit même qu'au Madison Square Garden, on remplit le Madison Square Garden. Mais il reste que pour moi, c'est pas du sport. Et ça, je peux pas te mettre ça. Moi. François, tu es impliqué, je pense que tu es impliqué dans le sport d'élite là-dedans. On parle d'Olympique un matin. C'est quoi ton opinion là-dessus? Mon opinion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat. Hein. Je pense pas que c'est un... Si on en parle, c'est peut-être plus un coup publicitaire parce que j'y crois pas. Je veux dire, c'est pas un sport. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir. C'est un esprit sain dans un corps sain, c'est pas ça les jeux vidéo, puis il y a zéro une question de forme physique, puis là, on pourrait dire, quand même, faut avoir des habiletés, puis cerveau, tout ça. Oui, mais c'est juste pas un sport. Tu sais, j'ai fait deux Olympiques, puis il y a comme une espèce de, oui, tous les athlètes de plein de sports sont différents, puis on est dans le village olympique, puis on côtoie... nous, les skieurs du monde en bobsleigh, tu sais, le monde en patinage de vitesse, le monde en ski de boss, on s'entend que c'est pas le même monde, mais ça reste que c'est des athlètes, c'est quelque chose qui nous unit. Si les gens du jeu vidéo étaient aux Olympiques, et ça a tellement pas rapport. Puis, si on en parle, je pense que c'est une question de marketing, puis faire jaser, puis faire grossir leurs événements en disant qu'ils pourraient peut-être être amenés aux Olympiques, mais ça arrivera pas, là. Mais non. Est-ce que tu penses que il y a des lobbies aussi là-dedans? Ouais. Oui, c'est parce qu'on parle aussi. Je pense que le sujet est rendu là parce que les Olympiques se modernisent puis ouvrent leurs portes. Tu sais, à Tokyo en 2020, déjà là, je pense que le surf, le skateboard, l'escalade, il y a plein de nouveaux sports comme ça, mais qui sont des sports. Donc là, tant qu'à être rendu loin comme ça, c'est là qu'on se met à parler d'autres trucs comme les jeux vidéo, mais on est loin de là. OK. Année olympique cette année. J'ai parlé avec Marianne hier. J'ai commencé. La semaine prochaine, je vais essayer de parler avec Cassandra. Marianne qui se dit, c'est ses derniers Jeux olympiques de toute évidence. Je pense que le fait qu'elle a eu une contre-performance à Sochi fait en sorte qu'elle est revenue. Parce que j'ai l'impression que si elle aurait bien performé, je suis pas sûr qu'elle serait revenue. Donc, Je sais pas parce que, tu sais, Marianne est encore jeune, elle a 27 ans. Je la comprends de dire que c'est son dernier cycle parce qu'après ça, là, elle veut passer à autre chose. Ouais, peut-être les enfants. Mais je trouve que dans ce cycle-là, elle a tellement grandi, elle est tellement devenue une athlète plus dominante. Puis c'est pas juste une question de sport, là. Oui, elle est dominante vraiment sur la glace maintenant. C'est la grande Marianne, elle s'est établie dans notre sport. Puis son nom va rester gravé au patinage de vitesse courte piste québécois, canadien, puis mondial même pendant un bout. Mais je trouve que pendant ce cycle-là, la grande différence, c'est la maturité qu'elle a prise. Puis on dirait que c'est une préparation vers sa vie aussi, parce que le sport, c'est ça. Tu sais, comme fédération sportive, on forme des athlètes, mais on veut former des citoyens aussi exemplaires, puis donner le goût aux jeunes de faire du sport, mais d'être des bonnes personnes. Puis Marianne est devenue vraiment un exemple à suivre, puis elle se démarque maintenant à ce niveau-là tellement bien que j'ai l'impression que ces 4 ans-là qu'elle a fait, ça l'a amené ailleurs, puis là, elle est prête à passer, pas tout de suite, il reste une année, peut-être une autre, je sais pas, mais elle est prête maintenant à finir ce qu'elle a fait dans le patin, puis à passer à autre chose, tandis qu'avant, je sais pas, tu sais, on sait jamais, mais là, je la sens vraiment, là, tu sais, juste les entrevues qu'on l'entend à la télé, à la radio, t'as dû le voir aussi, ouais. tu l'as en entrevue depuis longtemps, la maturité qu'elle a prise, puis l'aisance qu'elle a prise, c'est vraiment spectaculaire ce qu'elle est devenue, Marianne. Ah, effectivement, mais puis hier, elle me disait, je me sens plus près que jamais. Ouais, ben, tu sais, puis elle en parle aussi, hein. Les sélections, elle a dû te le dire, c'est pas une compétition le fun, hein, les sélections olympiques en courte piste, là, ben, en fait, les sélections olympiques, c'est toujours, c'est là un peu ça passe ou ça casse, c'est, j'ai 5 jours, pour être à mon meilleur, pour aller aux Olympiques. Ça fait 4 ans que oui, je fais des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, puis chaque année a ses propres objectifs. Mais l'objectif, on se cachera pas, que surtout pour une fille comme Marianne, c'est d'aller aux Jeux, puis c'est de remporter pas une, mais des médailles. Fait que c'est sûr que la sélection olympique, elle aimerait ça, que ce soit une formalité, puis qu'elle soit déjà classée, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle doit passer à travers. C'est pas plaisant. Puis elle a la maturité maintenant de le dire, de le verbaliser, de dire oui, il faut que je passe à travers ça, puis c'est vraiment une très grande maturité, puis ça démontre vraiment son côté de leader. Là. C'est sûr qu'elle influence l'équipe de façon positive en ce moment. OK. Mais il y a un choix discrétionnaire. Hier, elle me disait, je suis pas sûr, mais j'ai dit, Marianne, je lui disais en entrevue, je verrais pourquoi tu serais pas là, franchement. L'équipe canadienne, il y a quand même un choix discrétionnaire. Là, tu sais, si elle se classe pas, parce que de la façon que ça fonctionne, c'est compliqué, là, mais... OK. Si tout va bien pour l'équipe, il va y avoir 5 filles puis 5 gars. OK. Les trois premiers puis les 3 premières à la fin de ces sélections-ci vont être automatiquement sélectionnés, puis après ça, ils vont être classés pour les distances individuelles selon ce qu'on va faire aux sélections. Puis le 4e puis la 5e. Le 4e va dépendre aussi des sélections. Puis le 5e choix, c'est un choix discrétionnaire qui a plein de critères, mais ça reste que discrétionnaire, ça veut dire que c'est le comité haute performance qui va décider. OK. Donc, disons que Marianne avait une catastrophe de compétition puis qu'elle n'est pas dans les 3 ni dans les 4 premières, ben effectivement, j'ai de la misère à voir comment elle serait pas le choix discrétionnaire. C'est un peu ça, le choix discrétionnaire sert à ça. Là. L'équipe se back, là, ça donne une sécurité, un coussin de sécurité au cas qu'il arrive des cas comme ça. Ouais, regarde, je ne verrais pas pourquoi que ça arriverait. Ça arriverait pas. Là. Non. Cassandra, normalement, là, avec la retraite de Marie-Ève Drolin, normalement, ça devrait être Marianne Valérie, normalement 1-2. Cassandra et Kim Boutin. Et là, il restait une place pour une 5e. C'est ça que moi je verrais? On peut faire ça. Oui, ce qu'on entend, c'est Marianne, Kim Boutin, Valérie, ordre ou désordre, mais pas mal comme ça. après ça, tu sais, c'est ça. Là, les gens disent que après ça, il reste de la place. Effectivement, on peut penser que Cassandra, avec les résultats qu'elle a connus là, dans les dernières années, l'année dernière notamment, Cassandra, ça aurait sa place là, définitivement. Mais c'est là que ça, tu sais, c'est là que les sélections olympiques, on sait jamais ce qui peut arriver là. C'est ouais. Cassandra, elle est plus vers la fin de sa carrière que son début de carrière. Ouais. Ouais. C'est une chance d'Olympique, tu sais, c'est ça. Le Marianne, c'est une chance d'aller encore aux Olympiques, mais dans le cas de Cassandra, Valérie aussi, mais dans le cas de Cassandra puis de Kim, c'est leur chance de devenir des athlètes olympiques. Fait que là, le stress est vraiment ultime, là. Donc, on sait jamais ce qui peut se passer, mais Cassandra a définitivement sa place sur cette équipe-là. Okay. C'est pas la meilleure équipe canadienne féminine. Comme les plus jeunes, ils vont essayer de faire leur place. C'est pas la meilleure équipe féminine canadienne. Non? On peut dire que c'est une année de reconstruction. Là. Ben non, faut pas. Ben, premièrement, Marianne est. Non, non, ouais, mais Marianne. Pas Marianne, Valérie a ralenti. Tu sais, il y a eu des années que c'était. Il y a eu des Tania Vincent, il y avait des Marie-Ève Drolin, il y avait des Kalina Roberge. C'était plus fort que ça. Oui, mais Marianne a des chances d'avoir des médailles dans chaque distance. Oui, il n'y a pas Marianne, ouais. Mais il y a Kim aussi. Kim Boutin est très forte. Hein. Ouais. Faut pas oublier Kim Boutin au championnat canadien l'an passé. Kim Boutin a chauffé Marianne. Là, elle l'a battue dans deux courses. Là, c'est, Kim est très, très forte. Val elle a eu une année difficile l'an passé, ben en fait pas si difficile, mais elle a eu un début d'année difficile parce qu'elle avait eu des problèmes pendant l'été. Mais tu sais, Val c'est une fille d'expérience. Non, moi je pense que l'équipe est forte, surtout parce que Marianne est là. Mais Marianne tire toute l'équipe avec toutes les filles qu'on a nommées depuis tantôt. Qui tu sais, Kim, si elle va aux Olympiques là. Elle peut vraiment passer une médaille, là. C'est okay, sûr. Okay, là. C'est... Okay, okay. Quand tu as des médailles en Coupe du Monde, tu peux arriver aux Olympiques puis espérer une médaille. OK. Hey, parle-moi de l'équipe masculine. Ah non, avant, j'étais en train d'oublier une question. Avant de y a-tu une patineuse au niveau féminin qui pourrait arriver de nulle part puis se tailler une place sur l'équipe canadienne puis déloger une vétérane? Ben, de nulle part, non. Là, ils sont 16. Ils sont 16 qui s'entraînent pour les sélections olympiques. Je parle de son 16. Ils s'entraînent toujours ensemble. Savent vraiment de quel bois elles se chauffent. Arriver de nulle part, ce serait difficile. Mais par contre, ça se pourrait qu'une fille qui a jamais fait les Coupes du Monde se classe. Okay. Parce qu'elle est plus jeune. Ça se pourrait, ça. Mais c'est sûr que ce serait pas de nulle part. Mais c'est sûr que ce serait difficile. Mais j'ai pas de nom à te donner parce que toutes les plus jeunes, on a nommé les filles d'expérience tantôt. Ben celles qui suivent après puis qui sont aux sélections, le courte-piste étant ce qu'il est là, toutes ces filles-là peuvent penser en leur chance. Faut y croire. Puis c'est 5 jours de compétition. Ils prennent, ils font 9 courses en tout, ben 9 finales, 9. Ils font 500, 1000, 1500, ils font ça 3 fois. Ils prennent les 4 meilleurs résultats. En gros, c'est ça, là, les 4 meilleurs résultats. Donc, des filles peuvent faire des coups d'éclat, puis ça se peut que des jeunes se classent, ça se peut. OK. Chez les hommes. Samuel, normalement, Samuel Girard a été présenté comme le dauphin de Charles Amier. Devrait être le leader. Mais je pense que Charles... le leader, c'est Charles encore, mais Charles, je sais pas, on a comme vu des signes de ralentissement un peu. Est-ce que Samuel pourrait le supplanter puis être vraiment le leader de l'équipe canadienne? Tout à fait. Ben, je pense que Charles va... Tu sais, le leader, c'est pas juste celui qui performance, oui, c'est l'expérience aussi. Charles va rester le leader pour les années qu'il va rester sur la glace, mais... Charles Cournoyer, c'est 3 gars qui ça chauffe quand ils patinent les uns contre les autres. On l'a vu au championnat canadien l'année dernière. C'est Charles Cournoyer qui a gagné, suivi de Sam Girard, suivi de Charles Hamelin. Et Charles Hamelin a pas connu sa meilleure année en Coupe du Monde, loin de là. Il a eu moins de médailles qu'à l'habitude, mais il est quand même allé chercher une médaille d'or par-ci, puis par-là. Samuel Girard, vice-champion du monde dans une distance, 3e au championnat du monde au cumulatif. Charles Cournoyer est capable. Donc, tu sais, ces 3 gars-là, ça va vraiment... C'est vraiment... moi, j'y vais en fin de semaine, puis la fin de semaine d'après, puis j'ai hâte de voir cette bataille-là parce qu'ils se laisseront pas beaucoup de place. parce qu'ils peuvent pas s'en laisser beaucoup parce que ils sont pas juste trois. Les autres ensuite sont pas loin non plus. Il y a François Hamelin puis Guillaume Bastille qui sont des médaillés olympiques, des gars d'expérience. C'est leur dernier jeu aussi. Ils vont tout donner puis qui ont l'expérience pour aller un peu dans les moments que ça va être plus compliqué, peut-être aller tirer la épingle du jeu. Puis ensuite, il y a les plus jeunes. Là, c'est comme chez les filles. Il y en a beaucoup de plus jeunes qui attendent leur place. Là, je pense à un Pascal Dion qui a fait des Coupes du Monde. Pascal Dion, il est prêt. Puis sinon, il y en a d'autres plus jeunes aussi qui sont vraiment pas loin. Puis il manque peut-être de constance puis d'expérience. Mais une sélection olympique, c'est une sélection olympique. Il peut arriver tellement de choses. J'ai hâte de voir. Ce sera possiblement pas... Si je te disais cinq noms maintenant, pays gars, je me tromperais. Très possiblement. T'sais, on a nommé 3-3, là, mais le 4-5, là, c'est difficile. Puis j'ai hâte de voir, vraiment hâte de voir ce qui va arriver. OK. On se parle lundi, François? Ouais, certain. En fait, les compétitions, c'est à Maurice Richard, c'est samedi, dimanche. Après ça, il y a mercredi. Puis après ça, il y a samedi, dimanche. OK, OK. Donc, c'est échelonné sur plusieurs jours. OK. Ouais, c'est sur un total de 9 jours. C'est 5 jours de compétition. OK. Puis pour ceux qui ne peuvent pas être là. Sur le web. C'est vraiment web diffusé là, très largement sur les plateformes de Radio-Canada, Radio-Canada, ben CBC, sur RDS et sur Facebook de Patinage et Vitesse Canada. Donc, c'est web. Avec une qualité de streaming, une bonne qualité de streaming, j'imagine. Une très bonne, ouais, c'est ça. L'an passé, ça avait fait parler beaucoup. Là, on disait que, bon, ben, on voyait pas assez les événements sportifs. Puis, ouais. On avait parlé ensemble. Puis, C'est un hasard. Ben là, comme c'est arrivé, mais Radio-Canada s'implique vraiment beaucoup depuis parce que c'était un an des Jeux. Puis un an des Jeux sont vraiment, vraiment... Moi, ça n'arrête pas de vibrer sur mon cellulaire parce que Radio-Canada est en direct avec tel sport. Comme là, en ce moment, c'est l'athlétisme. Puis ça va être la même chose pour le panneau de vitesse. Là. Et donc, c'est leur mission. C'est leur mission du sport. Totalement. C'est totalement leur mission. C'est pas, je pense que là, il y a assez de canaux de sport avec RDS, TVA Sport pour faire le sport professionnel. Mais leur mission première... Ces gens-là, c'est le sport amateur. Et tu sais, je ne sais pas si tu es un petit peu, il y a de plus en plus de réseaux de streaming qui arrivent de partout, ouais. ESPN, DAZN, ouais. J'en ai parlé. Je pense que le sport amateur va finalement trouver sa niche. Mais moi, ça fait longtemps que j'en parle. Que tu sais qu'à Radio-Canada, il y a quelques années, les conservateurs ont coupé leur budget, puis là, l'étage des sports a comme tout sauté, ou presque. Là, il n'y a plus de sport à la télé. Là, moi, j'écrivais dans le soleil à ce moment-là, puis j'avais dit j'espère que les budgets vont aller pour... Le streaming, puis ils ont une super plateforme olympique en ligne, le Radio-Canada, depuis Sochi, là, c'est assez hot. Je veux dire, on peut... Tu sais, avant, on cherchait les postes à la télé, on espérait que notre athlète soit à la télé, soit en direct, tatata. Maintenant, on choisit le sport, puis il va être en direct, là, on le manque plus. Leur plateforme est vraiment incroyable, puis j'espérais qu'ils l'utilisent. Puis là, en ce moment, c'est ce qu'ils font. Là. Vraiment, le streaming est fort. Puis si ça peut permettre aux athlètes de se faire voir, au sport, de se faire connaître, parce que c'est pas parce que t'es un petit gars québécois que tu vas jouer au hockey. Puis il y a plein d'autres sports, mais il faut les faire voir. Puis on est content que ça soit de plus en plus le cas. Ben, on s'en reparle lundi, François. Certain. François-Olivier Roberge de la Fédération québécoise de patinage de vitesse, qui est notre collaborateur de ce sport.